Skyrock, Rail Suprême. Cette année, je vais être fort tout comme le drapeau algérien. Mon son, c'est de la frappe comme le pilon marocain. Les rappeurs, je les ai piqués comme du piment tunisien. C'est bon, c'est ça. Apple. Yeah. Are you ready? C'est toujours mieux là. Ah, c'est moi avec le mouchoir. Ah merde. Diablé. Mixant Diablé. Je me rappelle pas, je suis pas là, je désactive mes comptes, tu es avec mes gars, je suis sous le soleil et je fais le hala. Je me rappelle pas, je suis pas là, je désactive mes comptes, tu es avec mon bras, je suis sous le soleil et je me balade. À bord. Paris, la ville, sans quoi, Oran, sans quoi, New York, sans quoi, DJ Keys, let's go. Case. Ça m'en fonte, lui. Mais non, mais c'est un malade mental. Sur les visages tristes, lève-toi mon mec, bouge-toi mon mec. Appelle tes frères, tes potes, t'es allé des bises. How we do, tous frères, tous cousins, bienvenue chez nous. Allez, bouge, allez, danse, allez, lève-toi, vas-y, chante, vas-y, viens, vas-y. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Et c'est parti comme chaque dimanche soir avec DJ Case, il est là, il est installé, ouais. Il est magnifique. Il est magnifique, il est content d'être là, comme tous les dimanches. Comme tous les dimanches, comment ça va Case? Très très bien. Semaine bien passée, beaucoup ouais, de boulot. Super, beaucoup de boulot, les soirées, puis enchaînement de projets. Bientôt on va vous faire découvrir des inédits quand, par exemple, en New York. Quand dans les prochaines émissions. C'est ma question récurrente, eh c'est oui, vrai qu'il y a le projet qui va arriver avant l'été. Hein. Avant l'été là, ouais, avant l'été, donc ça sera fin mai, début juin, et puis on va vous faire péter ça dans les prochaines émissions. Non mais c'est vrai qu'en plus c'est frustrant parce qu'en te suivant sur les réseaux sociaux on voit quelques photos de temps en temps, tu balances quelques petites infos, on donne un petit peu envie, de l'eau un peu à la bouche, un peu d'infos croustillantes. Et bah suivez Case, n'hésitez pas pour tout savoir sur Paris, Oran, New York. Il y aura plein de surprises. Ou le dimanche soir dans Rail Suprême, je le questionnerai. Exactement. Chaque semaine. Ce soir on va faire un petit set en plus pour dédier à la communauté tunisienne suite à ce qui s'est passé. Voilà, donc évidemment on a une grosse pensée pour la Tunisie, puis les familles des gens qui n'étaient pas forcément d'ailleurs tunisiens, ouais. qui étaient de plein de pays et qui venaient profiter de ce magnifique pays qu'est la Tunisie. C'est ça. Et bah voilà, on a une pensée pour tout le monde évidemment, et en effet le peuple tunisien, mais qui est un peuple fort, je sais qu'il va se relever, qu'il va se redresser et qu'il n'hésitera pas à lutter, ça c'est sûr. Gros clin d'œil aux Tunisiens et force à eux. Et bah restez branchés, c'est Rail Suprême, c'est le coup d'envoi avec DJ Case, on y va? Allez, go. Skyrock, Rail Suprême. Il peut toujours me clasher. Putain, c'est hoche, ça donne des coups en cachette. Ton meilleur ami peut se trouver derrière la gâchette. Je trouve l'esprit, je fume un peu de hashish. Fais gaffe petit avec des sous à ta chèvre. La vue gâchée par des bâtiments. Trop de sentiments, le regard vite à ta chèvre. Je suis pas eux, sachez-le. Moi j'ai galéré, MBDH, tapez-le. La loi emmerdée là, lui il se montre, regardez-le. Envie d'y mettre des tartes là. Tu oublies, j'observe la lune de mon matelas.

Des gens gratuits, ça paye pas. Comment t'expliques qu'on fasse des concerts jusqu'aux Pays-Bas? Pays-Bas, Guadalajara. So good, boy, baby. Tu veux des sensations, t'inquiète, j'en apporte moi. Laisse pas ton fun, je te rappelle si t'es Nathalie Portman. T'auras tout le temps de m'analyser. J'quitte pas la capitale, tout comme Mona Lisa. Arrive, rendez-vous au White Dream. Si j'suis pas là, c'est que j'suis au White Beach. Aujourd'hui, tout le monde nous baratine. Mais tous les petits parlent en Watine. Ah, boy, baby, dis tes corps. C'est pour toi ma chérie, et pour tous mes stars Tunisie, Maroc, Algérie. 1, 2, 3, c'est pour toi ma chérie, et pour toute la France Tunisie, Maroc, Algérie. Ça va vite, reste attentif, car avant ça va vite. Sois sur le beat, car très souvent ici les débits ça varie. Ça va vite, reste attentif, car avant ça va vite. Ça va vite. Skyrock, Rail Suprême. Dès que ça sonne un peu funky, si elle me demande si j'ai le mi-père, je lui réponds cash. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Et c'est souvent sur un bête de son que souvent dans la te bois y'a une grosse flaque de sang. J'ai vu une plaque pas partir au ralenti. Ça s'insulte, ça se bouscule, ça zappe la galanterie. Et mon gars sur 100 tape, puis dans ses bails. Attends, non, je crois que try et taille. Je veux un bête de style que des balles me filent. T'es mal à bête de fil ou les boules défilent. Ici les samedis soirs, joie pas soupir. Embrouille histoire, si t'as pas trop de fake, ça pique. Putain, je suis rabat, je sais plus où je me trouve. C'est la loge, les chiottes, la cour ou la douche. Des cheveux longs, des cheveux courts. J'accoste où je cours, elle est grosse, oh my god. Pas moyen de faire la cour. S'approche, ça se tape des bases. Ça fume des stars comme si c'était les gars. Les gars veulent serrer des meufs serrer des gars. Et ça, la night. Les soirées de samedi soir, quelques fois samedi soir, pour quelques billets sans cap. C'est Rail Suprême. Skyrock. J'suis dans le club, y'a des sons que j'kiffe pas trop. Mais j'aime ambiance. À la main, ça donne, c'est pas ma cam. J'essaie de suivre le mouvement. J'me contrôle pas sur le fil. Tout le monde est dans son. Y'a même des gens jaloux. Et j'profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui sont. Sur ma toquante, j'galère. Les gars se demandent où ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules, de bad bitch, ça va me plaire. Laisse les bras beats fight pour un bout de terre. J'suis comme une étoile pour me baisser à fond. Chercher la fuck et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres face au physio. Platine à qui frère en chemin. J'suis comme la fun comme James Brown. J'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet glisse, c'est trop mielleux. J'suis à déguster, j'suis à croquer. Chaud à l'intérieur, rappelle-moi moelleux. Suis-nous sur la piste, c'est sa tête. Des petits pains, un petit cercle en dessous de la boule à facettes. Jamais sous-tise avec mes yeux de shiny. Cherche pas le chiffon dans le ghetto, c'est la cerise. Y'a des sons que j'kiffe pas trop. Mais j'aime l'ambiance. À la base, la fun, c'est pas ma cam. J'essaie de suivre le mouvement. J'me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Minuit, une heure, minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Ouais, pourtant j'suis ta fin frais et jusqu'à là. J'ai tout dans Rolex au poignet. Ce

playlist mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Suprême. Scout. Scout. C'est Skyrock et le dimanche soir, c'est Rail Suprême avec DJ Kaze au platine. Bonne petite demi-heure, sympa. Grosse demi-heure même, tu peux dire. Et on va repartir aussi pour une nouvelle session dans un instant. Mais juste avant, petit point soirée oblige. Voilà, donc Kaze, c'est sur Skyrock et dans toute la France. Dans toute la France et ce week-end à Paris. Donc on fait kiffer un peu les Parisiens une ou deux fois dans le mois. Et ce week-end, alors ce vendredi, je suis en début de soirée dans un nouvel établissement qui s'appelle l'African Orient. C'est à Saint-Ouen, donc dans le 93. Et juste après, j'enchaîne à la Porte Maillot, c'est au Théâtre. Et le samedi, le lendemain, je suis au Vendôme Club, donc c'est près de la place de la Vendôme. Place Vendôme. Place de la Vendôme, c'est mignon. Ah, c'est mignon, place de la Vendôme. Place Vendôme, voilà. Donc allez voir DJ Kaze ce week-end sur Paris. C'est ça, ce pour week-end l'instant, à Paris, région parisienne. Voilà, et début avril, il y aura toutes les dates. On les communiquera la semaine prochaine. Et ben là, on est reparti pour une nouvelle session. Paris. Allez, go. Allez, c'est Rail Suprême avec DJ Kaze. Are you ready? Let's go. Are you ready? This is the remix. Skyrock, Rail Suprême. Let's go.

minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Check it. से तोड़ ही वो छेड़छाड़ हो रही है आप कहाँ से है आपका जवाब अब नहीं तोड़ ही वो छेड़छाड़ हो रही है आप कहाँ से है आपका जवाब अब नहीं Tu fais trop la resta C'est vrai que t'attires la foule Mais fais pas trop la folle T'es vraiment déréglé J'dois te paramétrer Tu veux me rendre jaloux Mais fais pas trop la folle DJ Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock.

عليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك الجمع يا الجمع ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام عليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك الجمع يا الجمع ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي juste en faire, c'est ton budget serré. Stick ou MC, plus de lumière sur mon flow. Même sur de la fin, je fais mon show. Et je dédicace tous nos tchékas. Vu comme c'est parti, ce soir on va rentrer tard. C'est pour mon équipe que les demoiselles se préparent. Je finis mon couplet avec la sang de Pléda. Sur Skyrock. Hey, hey, hey. طول لازم شي حد في بالي والفي حرام علي هجرتيني بلا زلطة والعشرة هتعالي وجرحتي المحبة والله حرام علي ضيعت معك بسماني جد اللي كان يبقيك وجريتي للبراني ماشينا بمحيط بيتي ربي عالم باللي فيها Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est quoi le secret, baby? Ouais, dis-moi comment faire. Tu sais que je viens de loin, tu sais que c'est mon teint. Je dois faire les choses bien. Dis-moi c'est quoi les bails. Moi je veux tout savoir. Dis-moi ce que t'écoutes, je te dirai si je peux t'avoir. Bah ouais, je suis romantique, gentleman, souffle à la brode, à tes côtés. Ah, je me présente enchanté. I'm not afraid. Skyrock, Rail Suprême. Et c'est déjà la fin de cette émission. Ouais. DJ Case est là. Mais oui, mais dimanche prochain, il sera encore là. Bah, j'espère bien. Chaque dimanche, rendez-vous entre minuit et une heure pour Rail Suprême. On a vu les réactions. Soir, vous avez kiffé. Voilà, de temps en temps, on fait un petit clin d'œil à une communauté partie par là. Et puis, la soir, c'était la Tunisie. Et bah, ouais, une grosse pensée, une fois de plus, on l'a dit, aux Tunisiens, aux victimes, aussi aux proches des victimes. Pas forcément tunisiennes d'ailleurs, mais on a une pensée pour tout le monde, évidemment. Exactement. Ce soir, dans Rail Suprême, toi, tu files. Ce soir, non. Ah là, non, ça y est, c'est fini, là, c'est repos. Repos. Je croyais que tu filais hier. Non, mais c'était hier. Je suis revenu d'Avignon, un peu fatigué, mais ce soir, on va se reposer. Et vendredi prochain, voilà. Donc, je serai en début de soirée à African Orient, c'est un nouvel établissement à Saint-Ouen. Juste après, je suis au Théâtre Rose à Porte-Maillot. Et le samedi, au Vendôme, à Place Vendôme. D'accord, donc long, un week-end chargé. Et puis, tu seras aussi dimanche pour dimanche, tout le monde. Rail Suprême. Merci, Case. Bah, merci à vous. J'espère que vous avez kiffé. On a vu les réactions mortelles. Donc, n'hésitez pas. Et sur les réseaux sociaux, c'est DJ Espace KYZ. Donc, pour la page fan Facebook et Twitter, Instagram, DJ Case Paris. J'ai créé un Snapchat, mais j'ai pas encore bien. T'as pas encore, tu maîtrises pas. Je te jure, j'en ai un. J'ai mis l'application. Ouais, moi, j'ai laissé tomber aussi. Mais écoute, bientôt DJ Case nu sur Snapchat, ça arrive. Ça arrive. Donc, dès la semaine prochaine. Exactement. Voilà, merci, voilà. Case. Merci à vous. Allez, ciao. Passez une bonne soirée. Rap R&B non-stop, c'est reparti. Et bon début de semaine à vous tous ou bonne fin de week-end. Ciao. Skyrock.